Les régates de Saint-Félicien, un événement rassembleur, un week-end enlevant. Ici Régent Côté, l'équipe de ProNetGus est heureuse de soutenir l'organisation des régates et vous invite à participer aux nombreuses activités. Plus de 75 hydroplanes et des pilotes de partout en Amérique se donnent rendez-vous à Saint-Félicien. Bravo aux bénévoles des régates et bienvenue aux visiteurs. Les régates de Saint-Félicien, les 22, 23 et 24 juin, une invitation de ProNetGus, Régent Côté. Quand c'est pro, c'est net. C'est ProNet. Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. Il y a une haltérophile de Dolbeau-Missassigny qui a très, très bien fait en fin de semaine au championnat canadien d'haltérophilie qui se déroulait à Gaspé. Et non seulement elle a bien fait au championnat canadien, mais elle a également bien fait au championnat panaméricain. Question de savoir un peu comment Isabelle Boilla a réagi face à sa belle performance. On lui parle. Salut Isabelle! Salut! Isabelle, d'abord, quand tu partais pour Gaspé, est-ce que tu t'attendais vraiment à terminer au deuxième rang? On a tout le temps espoir de finir dans les trois premiers. J'étais partie avec une idée de faire juste de me battre moi personnellement dans les compétitions que j'avais faites. Mais finir deuxième, j'étais très surprise. OK. Est-ce que la compétition était quand même assez forte? Y avait-il beaucoup d'haltérophiles? On parle du championnat panaméricain, donc ça veut dire qu'il y avait plusieurs pays qui étaient là aussi. Donc, est-ce que la compétition était quand même assez relevée? Ben jusqu'à date, c'était jusqu'à maintenant, c'était vraiment là le calibre était quand même assez haut. Puis c'était des filles avec qui je m'étais jamais vraiment pris. OK. OK. C'était comme une surprise, puis je savais vraiment pas à quoi m'attendre avec il y avait une américaine dans ma catégorie. Mais finalement, tu sais, ça s'est vraiment très bien passé. J'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis concentrée puis tout a marché puis okay. Richard il m'a aidé à me concentrer puis à me tenir à me relaxer, puis ça tout a bien fonctionné. On parle de meilleurs résultats à vie, donc à l'arraché 55-58, c'est ça, c'est bien ça, à l'épaule et jeté 61-75 pour un total de 140 kilos. Est-ce que, quelle épreuve est, on peut dire, la plus dure, l'épaule et jeté ou l'arraché? Oh mon Dieu, côté stress, là, je vais dire, le plus dur pour moi, là, c'est l'arraché. OK. Parce que souvent, je rate mes premiers levés, puis là, après ça, la pression monte. Mais cette fois-là, ça a super bien été. J'étais vraiment super bien préparée. Puis, côté technique, j'ai beaucoup de misère. J'avais beaucoup de misère avec l'épaulé jeté. L'épaulé, c'était facile, mais le jeté, c'est une technique vraiment difficile. Mais, écoute, encore là, ça a super bien été. Dans les dernières semaines, on a vraiment travaillé fort, puis ça a été numéro un. OK. Justement, ça fait pas longtemps que ça me semble que tu pratiques l'haltérophilie. Ça fait quoi, 2-3 ans? Ça fait 2 ans et demi que je fais de l'haltérophilie, là. Puis t'es là au championnat canadien, c'est quelque chose quand même, là. Est-ce que c'est... Parce que toi, comment t'avais anticipé ça au début? C'était juste pour le fun, j'imagine? La première année, je suis allée au Canadien. Non, mais quand t'as commencé à faire de l'haltérophilie? Ah oui, c'est parce que je faisais déjà du crossfit avec Stéphane Houd au 4. OK. Avec Stéphane Houd puis Richard et tout ça. Mais j'aimais vraiment le crossfit, mais dû à des blessures puis tout ça, ben j'ai dû changer un peu la façon de m'entraîner puis de changer de sport. Fait que je me suis dit, comme j'aimais beaucoup l'haltérophilie quand il y avait des woods dans les woods de crossfit, ben j'ai vraiment trippé là-dessus puis j'ai dit tant qu'à changer de sport, on va y aller pour l'haltéro. Puis ça a super bon été. Ça a commencé comme ça, là. OK. Est-ce que le crossfit, qu'est-ce qui est le plus dur, crossfit pour le corps, là, l'haltérophilie ou même la dynamophilie, parce que la dynamophilie, c'est, on peut dire, le cousin de l'haltérophilie. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire qui est le plus dur pour le corps, les trois? Ben, quand c'est bien fait, là, ouais. Quand c'est bien pratiqué puis bien encadré, c'est pas plus dur un ou l'autre. C'est juste okay. Parce que le crossfit, c'est exigeant physiquement, puis rendu... J'étais comme pas capable de m'arrêter. Tu sais, la limite, je voulais tout le temps dépasser ma limite au crossfit. Tandis qu'en haltéro, ben c'est comme on dépasse notre limite, mais encore, c'est super bien encadré, c'est super sécuritaire, pour moi, c'est ce qu'il y avait de mieux. Tu as parlé tout à l'heure de que tu avais été bien préparé mentalement. Sur quoi vous avez travaillé? Parce que tu arrives au championnat canadien, au championnat panaméricain, c'est probablement la plus grande épreuve que tu as réalisée en été. Là. C'est quoi qui a été le plus dur? Sur quoi qu'on a travaillé l'aspect mental? C'est surtout de redonner confiance. Quand on va à une compétition puis qu'on rate des levées puis qu'on est... On les rate souvent. Fait qu'à un moment donné, on se dit, tu sais, il y a de quoi qui marche pas. La confiance en mange un coup aussi. Mm. Mais avec Richard puis Stéphane, mais Richard, on a beaucoup pratiqué des levées à répétition technique, tout le temps technique, puis tout ça. Puis tranquillement, pas vite, on augmentait les charges. Puis tu sais, c'était de plus en plus facile. Fait que tu sais, dans le fond, c'est juste redonner confiance et de réussir à le faire, nos levées, sans les échapper. Puis, tranquillement, pas vite, la confiance, ça revient. Tu sais, c'est... Okay. Pour réussir, ça prend beaucoup de confiance au départ. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Là, ça va, ouais. Ça va te mener à où, ça, là? Hein? Bon, ben là, présentement, notre prochaine compétition qui va avoir lieu, ça va être juste l'année prochaine, au mois de février. On va en avoir des titres régionales ici, là. Ouais. Mais la prochaine master, c'est vraiment au mois de février à Sherbrooke, le championnat provincial. Puis, si je me trompe pas, c'est au mois d'août. Censé avoir le championnat du monde. Là, je peux pas vous dire si c'est à Montréal, Gaspé. 2019 ou. Oui, en 2019. OK. Mais là, t'as gagné la deuxième médaille panaméricaine, c'est ça? Oui. Fait que ça te donne-tu un privilège? Ou ben, c'est le premier? Non, c'est comme à recommencer. Genre, tu sais, oui, ça fait comme ouvrir des portes. On est comme. OK. Tu sais, plus reconnu un peu. Mais, tu sais, c'est à recommencer quand même à chaque année. Il faut vraiment. Faire les standards à chaque année, faire les compétitions à chaque année. Fait que, tu sais, c'est comme... là, on fait comme tourner une page, puis on retourne une nouvelle aventure l'année prochaine. Là. Qu'est-ce qui t'a manqué vraiment pour terminer au premier rang, qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qui... Ben, la personne, la première, là, c'est une Canadienne qui est arrivée première. Okay. Elle est vraiment forte, mais on a voulu jouer safe aussi, mon petit Richard, côté les levées. T'sais, on voulait s'assurer d'une... d'être une bonne position. Fait qu'on a joué safe, mais ça a quand même porté fruit parce que la troisième, l'américaine, je l'ai battue juste de 1 kilo. Fait que on voulait pas trop miser haut, même si probablement, peut-être, que je les aurais eues, mais peut-être que non aussi. C'est toujours une chance qu'on prend. Mais là, je pense qu'on a pris une bonne chance. C'est là, c'est correct. OK. Ben, Isabelle, on va te souhaiter la meilleure des chances. Bravo pour ta performance. C'est quand même très, très intéressant. Puis au plaisir de se parler. Oui, merci beaucoup. Voilà Isabelle Boilard de Dolbeau-Missassigny qui a remporté la médaille d'argent en fin de semaine au championnat canadien d'haltérophilie à Gaspé.